On va parler de boxe avec notre ami Bernard Barré. Gros combat de boxe en fin de semaine opposant Tyson Fury à Deontay Wilder. On en parle avec Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, c'est le troisième affrontement entre ces deux géants. Oh, qu'on a hâte de voir ça, qu'on est anxieux compte tenu que c'est le combat de championnat du monde, hein, championnat du monde des poids lourds, WBC. Puis pour nous, en plus, avec deux boxeurs qui sont très intéressants, qui ont une bonne claque, tout peut arriver à n'importe quel moment. Et si le premier combat a été très, très, très serré. D'ailleurs, combat nul. Le deuxième combat, ben, il a été en ligne droite, là, un sens unique pour Tyson Fury. Donc, c'est sûr que les gens, dans le moment, se disent, ben, ça va être un remake de qu'est-ce qu'on a vécu le dernier coup, il y a un an et demi. Finalement, ça fait déjà un an et demi de ça. Mais il faut faire attention quand même. C'est sûr que Fury a 6 pieds 9, alors que Wilder 6 pieds 7, d'un avantage de 2 pouces, mais c'est surtout les 40 livres supplémentaires qui fait en sorte que Deontay Wilder, s'il y a un coup à faire, un peu comme Mike Tyson lui a dit de faire, c'était un bon coup à faire, il fallait vite, là. Alors, je veux vous régler son cas plus sacrant, parce que plus le combat va avancer, veut pas, c'est 40 livres qui est fatigant. Puis, tu sais, on l'a vu dans les deux premiers combats, Fury, quand que Wilder est trop proche, il accroche, puis il se couche un peu dessus, puis il passe. Hey, 40 livres, là, c'est beaucoup, là. Et ça, pour un gars comme Wilder, là, à un moment donné, là, ça vient qu'à ça. Ça ramollit tes jambes, là. Qu'est-ce que Wilder doit faire pour gagner? Ben là, Wilder, il va falloir qu'il se fasse respecter rapidement. Wilder, c'est un gars qui a une bonne claque. Ça affiche 42 victoires, une seule défaite, un combat nul. Sa défaite était bien entendu contre Fury, il se fait passer knockout. Mais de ses 42 victoires, il y en a 41 par knockout. Le seul qui finalement avait fait la limite, c'est Berman Stevens, notre gars de Laval, l'ancien champion du monde en 2015, mais à la reprise, quand ils sont repris en 2017, ça a pris juste un ou deux coups de poing sur le nez, puis ça a fini là, ça venait de commencer. Ça en était gênant. Et c'est pour ça que si Wilder a de quoi faire, c'est de le faire rapidement, parce que Fury va jouer avec. Il est capable, même si c'est un gros bonhomme de 6 pieds 9, de se déplacer, d'étirer ses grands bras, de créer faire des pièges. Et faire des feintes. Donc, et se donner des angles. Pour un poids lourd, c'est le jeu de pied, là. On n'a pas souvent vu ça avec un géant de cette taille-là. Donc, c'est certain que pour Wilder, s'il laisse aller le moindrement, ben là, Fury va jouer avec, comme il a fait le combat précédent, et éventuellement, il va lui faire mal. On sait que Wilder avait sauvé son combat nul le premier coup, dans le premier combat, en envoyant Fury deux fois au tapis. Et même avait passé très près de l'arrêter. Mais Fury, le deuxième combat, il y a un ennemi, ben il a envoyé Wilder deux fois au tapis lui aussi. Donc, il a égalisé les chances. Fait qu'on peut voir, il y a de la puissance sur les deux côtés. Et pour Fury, ben lui, il n'y a pas de prête. Pour Fury, là, plus ça va être long, plus à un moment donné, il va avoir l'occasion de s'en débarrasser. Donc, Fury, il n'est pas en état de pression urgente, alors que c'est le contraire pour Wilder. Ça va être ce qui va donner, je pense, un combat très intéressant dès le départ, parce que The Bronze Bomber, Wilder, on sait The Bronze Bomber pour sa médaille de bronze qu'il avait eu à Pékin chez les poids lourds, et que c'est devenu son surnom. Mais lui, là, c'est certain que il faut qu'il se fasse respecter au départ, parce qu'il va avoir le jab de Fury dans le visage. Il y a un jab d'un gars de cette envergure-là, mais ça fait pas mal, ça fait très mal. Donc ça va être très très intéressant. Donc Fury, lui ça, si je comprends bien, c'est pour ralentir le combat. C'est lui que c'est ça qui est important. Ouais, il est pas pressé. Puis en plus, nous, là, à Montréal, on est toujours un peu fiers. Parce qu'on l'a eu, Fury, à Montréal, en 2010, il y a 11 ans. Il était en début de carrière. Il était venu boxer contre Jack Page au Colisée Pepsi à Québec. C'est spécial de dire ça aujourd'hui quand on connaît la notoriété de Fury. Et c'était en sous-carte de Jean-Pascal contre Bernard Hopkins, le combat qui s'était terminé, combat nul. Donc, c'est toujours le fun pour nous de dire, il sortait pas beaucoup d'Angleterre à ce moment-là. On avait réussi à l'emmener à Québec. Et par la suite, ben, il est retourné chez eux. Mais là, depuis quelques années, là, il se bat ici on peut dire, aux États-Unis, là, en Amérique du Nord. On sait qu'il a laissé la boxe, lui, après avoir gagné une décision unanime contre Klitschko, Vladimir Klitschko, lui avoir enlevé tous ses titres en 2015, ce qui avait été comme la grosse surprise de l'époque de l'année, battre Klitschko. Suite à ça, ben, il aurait pu monnayer tous ces titres-là, faire beaucoup d'argent, mais tu sais, c'est Gypsy King, là. C'est un Gypsy. Il a disparu de la circulation, puis il est revenu en 2018. Tu sais, c'est pas contrôlable, un gars comme ça. Mais il donne un super de bon show. Puis en conférence de presse, il est exceptionnel parce qu'il nargue continuellement son adversaire. Il dit que c'est lui qui a le loyer le moins cher sur la planète. Il vit dans la tête de Wilder, ça peut te donner une idée. Il a des bons punch, des bonnes lignes. Et puis, il est divertissant. Donc, au-delà d'être très bon et d'être spectaculaire, malgré que c'est un gros bonhomme, il demeure qu'il est divertissant, puis il est le fun à voir aller. OK. Si on parlait maintenant de... donc, prédiction. Bernard? Pardon? Prédiction? Oui. Vas-y, une prédiction, peut-être? Ah, ma prédiction, mais moi, je suis convaincu que Fury, éventuellement, plus le même modèle que le dernier coup. Milieu de combat, il va devenir de plus en plus dangereux. Et il devrait le pas, il devrait s'en débarrasser parce que, comme j'ai dit, là, le 40 livres, là, à un moment donné, là, Wilder va le trouver pesant. OK. En terminant, il y a des rumeurs qui circulent qu'il y aurait un gros gala à Montréal mettant en vedette BTRBF. On en a parlé la semaine passée. Il y aurait Kim Clavel et Marie-Ève Ducaire également. Kim Clavel et Marie-Ève Ducaire vous appartiennent. Fait que tu dois sûrement être au courant de ça, peut-être. Oui, je suis dans le bureau là, du groupe Yvon Michel, mon bureau est ici, fait que je peux te dire une chose, Yvon Michel travaille fort là-dessus, il a des bonnes relations avec Frank, qui est le promoteur de Better Biel. On sait que tous ces gens-là sont jamais bien loin, là. Ils sont jamais bien loin de chez nous, là, okay. Ce groupe-là, ouais. Donc là, c'est pas confirmé, mais éventuellement, ça fait partie des projets, des objectifs du groupe Yvon Michel de faire un coup de circuit là, un tour de chapeau là, avec peut-être trois combats de championnat. Kim Clavel a été tellement exceptionnel à son dernier combat, les gens ont hâte de la revoir. Et on aimerait bien ramener Marie-Ève Ducaire, qui finalement s'est fait battre par la meilleure boxeuse livre pour livre au monde, Clarissa Shields. Donc ça serait, je pense, tout un cadeau de Noël si on réussissait à finaliser ça, mais Yvon Michel est là sur le téléphone ce matin jusqu'au soir. Ça va finir par aboutir. Et Oscar Rivas, celui qui a changé d'adversaire pour son combat, ce ne sera plus Brian Jennings. Ouais, ben c'est ça, Brian Jennings, là, qui ne voulait pas se faire vacciner, qui ne voulait pas faire de confinement. En tout cas, c'était un paquet de troubles. Là. On a tiré la plaque. On n'avait pas le choix. On aurait bien voulu l'avoir. Mais finalement, on a Ryan Rosicky, qui vient du Cap-Breton, qui a une fiche de 13 combats, 13 victoires, 13 knockouts. Et qui est un solide gaillard. Et finalement, ben là, on est bien content. Là, on devrait avoir de l'action. C'est sûr qu'on est convaincu que Rivas est largement favorisé, là, ne serait-ce que par son expérience, par son talent, et il sera sûrement avantageux au niveau du poids aussi, une fois qu'il va avoir la réhydratation. Mais il demeure que pour Rosicky, tu sais, il y a un gars qui a 13 victoires, 13 knockouts, là, tu as beau le mettre n'importe où, lui, il pense qu'il va en avoir 14 knockouts. La confiance est au maximum. Puis, il y a toujours la chance du cogneur. Donc, Rivas s'est battu contre des gars solides, puis on l'a pas loué au tapis, mais on sait jamais. T'sais, il va toujours avoir ça, donc ça va être le doute qui va être là. Et on a bien hâte de voir ce premier combat des super lourds légers qui va donner une ceinture WBC, la première de l'histoire. Et définitivement que dans le moment, c'est bien entendu, on ne peut pas faire autrement que favoriser largement Oscar Rivas, mais Rosicky ne viendra pas ici faire de la figuration. Le gars va s'essayer de faire mal à Rivas, puis d'après moi, il va s'essayer rapidement. OK. Bernard, on s'en parle dès que l'actualité de la boxe l'exige. Ça fait plaisir, Danny. À la prochaine. Notre ami Bernard Barré qui nous parlait de boxe.